Alors vous écoutez Futur Simple sur CKRL 89.1 et pour ce dernier quart d'heure d'émission, alors on va rester dans le domaine de la chimie, quoique on va aller un petit peu plus du côté médical. Alors Camille Bélanger-Vincent va en effet nous parler d'une nouvelle molécule développée par des chercheurs de l'Université Laval, de l'Université McGill, à Montréal. Alors il s'agit de la mélatonine, une molécule qui pourrait être éventuellement être utilisée comme somnifère, en remplacement des médicaments utilisés actuellement. Alors, les travaux de recherche ont été présentés la semaine dernière lors du 81e congrès de l'ACFAS qui a eu lieu à l'Université Laval. Et Camille a suivi, en fait, le congrès et va nous parler de cette découverte. Bonjour, oui. Camille. Oui, bonjour. Donc, je veux juste spécifier la nouvelle molécule qui a été développée par les chercheurs de l'Université McGill n'est pas la mélatonine en tant que telle. Ils se sont basés sur la mélatonine pour faire une nouvelle molécule. C'est un nom bizarre, là? Oui, c'est ça, va venir... plus tard, OK. Donc, c'est ça. La molécule qui s'appelle, je vais le dire tout de suite, dans le fond, c'est UCM-765 parce que le nom complet est beaucoup trop long et incompréhensible, donc on ne se lancera pas là-dedans. Okay. La molécule a été développée sous la direction de Gabriella Gobbi du Centre universitaire de santé McGill en collaboration avec des collègues chimistes italiens. Madame Gobbi et son équipe ont présenté les résultats de leur recherche, là, comme tu l'as dit, dans le cadre du congrès de l'ACFAS. Puis il y a d'ailleurs eu un article publié dans le journal Le Devoir il y a une semaine exactement sur le sujet. Donc c'est donc dire que leur recherche ont fait jaser. Mais en quoi leur nouvelle molécule est-elle différente des somnifères qui sont utilisés actuellement? Présentement, les médicaments qui sont prescrits pour contrer l'insomnie sont appelés, la grande majorité, sont des benzodiazépines. C'est comme une famille, ça, une famille. Oui, c'est ça. Bon, il y a l'Ativan, le Valium, le Cérax, ça, c'est des exemples de cette classe de médicaments-là qui agit sur les neurotransmetteurs des neurones du système nerveux central. Donc là, j'entrerai pas dans les détails du mode de fonctionnement des benzodiazépines parce que c'est pas le sujet de ma chronique d'aujourd'hui. Par contre, c'est important de retenir que les benzodiazépines provoquent de la dépendance et de la tolérance, c'est-à-dire une accoutumance là, chez les personnes qui en consomment. Donc, ces médicaments-là peuvent même causer des troubles cognitifs et moteurs. Donc, il y a des effets secondaires qui ne sont pas à négliger. Non, c'est ça qui sont importants. Lors d'une consommation aussi, je n'irai pas une fois de temps en temps, non, mais c'est régulièrement. Quand ça devient chronique, j'irais même à dire. La nouvelle molécule, elle, la UCM-765, a été développée à la suite de travaux sur des rongeurs, puis elle se base sur le mode d'action de la mélatonine, comme tu l'as dit plus tôt, dans le cerveau. Okay. La mélatonine, c'est une neurohormone qui est souvent appelée l'hormone du sommeil, qui est synthétisée de manière endogène, donc de manière naturelle dans le cerveau, et elle est responsable du cycle veille-sommeil. La mélatonine est principalement sécrétée par le cerveau durant la nuit parce que sa production est ralentie par la lumière du soleil. Bien, dans la lumière en général, là, mais donc avec la lumière du soleil... Qui est très intense. Là, le jour, ça. Donc la sécrétion de mélatonine est ralentie. D'accord. Mais en quoi la mélatonine a permis la conception de la nouvelle molécule UCM-765? C'est sexy comme nom. c'est une bonne question, mais avant de pouvoir répondre à cette question-là, je dois prendre quelques minutes pour expliquer le mode de fonctionnement de la mélatonine elle-même. Donc, de manière très, très simplifiée, là, il existe deux types de sommeil. Il y a le sommeil REM et le sommeil non REM. Alors, REM, ça veut dire? REM, ça veut dire Rapid Eye Movement. Donc, durant le sommeil REM, il est aussi appelé le sommeil paradoxal, les yeux font des mouvements là, rapides et réguliers derrière les paupières, puis c'est durant ce sommeil-là que la plupart de nos rêves ont lieu. Ah bon, OK. Le sommeil non REM est quant à lui beaucoup plus réparateur parce que c'est à ce moment-là que la respiration se fait plus profonde, que le métabolisme est activé puis que la régénération des tissus a lieu. Donc, chez un adulte moyen, une nuit de sommeil comporte 4 à 5 cycles, c'est-à-dire 15 à 20 % du temps qui est passé en mode non REM, donc en mode réparateur. Okay. Les benzodiazépines et leurs dérivés sont utilisés comme somnifères parce qu'ils induisent le sommeil. Mais ce qui est malheureusement trop peu souvent mentionné, c'est qu'il diminue la proportion du sommeil non REM, c'est-à-dire du sommeil réparateur. Okay. Là, en d'autres Donc, termes... Donc, on là, dort, mais c'est pas... C'est pas nécessairement réparateur parce que c'est ça. En fait, les benzodiazépines changent l'architecture du sommeil. Ça fait en sorte que le sommeil est davantage paradoxal que réparateur. Mais la mélatonine, elle, n'agit-elle pas de la même manière? Non, c'est ça. La mélatonine, elle agit sur deux récepteurs du cerveau, les récepteurs MT1 et MT2. Ces récepteurs sont antagonistes, c'est-à-dire qu'ils ont des effets contraires. Okay. MT1 induit le sommeil REM ou le sommeil paradoxal. et bloque l'induction du sommeil non REM ou le sommeil réparateur. À l'inverse, le récepteur MT2 induit le sommeil non REM ou le sommeil réparateur. Donc, en fait, ce qu'on recherche, là, c'est de provoquer le MT2. Oui, le MT2, ça, c'est le bon récepteur, entre guillemets. On voudrait dormir que de ce sommeil-là. C'est ça, là, exact. Fait, ces récepteurs sont retrouvés dans le thalamus réticulaire du cerveau, là, une région qui intervient dans l'induction du sommeil profond. Je veux juste faire une petite parenthèse sur le fait qu'il y a des capsules de mélatonine, là, l'hormone dont je vous parle, qui agit sur les récepteurs MT1 et MT2. Donc, il y a des capsules de mélatonine qui sont disponibles en vente libre là, dans les pharmacies et qui sont utilisées par certains comme somnifères là, déjà. OK. Mais pourquoi, en fait, les chercheurs ont-ils développé une nouvelle molécule servant à induire le sommeil en se basant sur le mode d'action de la mélatonine alors que la mélatonine est déjà disponible comme somnifère? Oui, c'est ça. C'est une bonne question. Mais en fait, la réponse est simple parce que la mélatonine agit sur les récepteurs MT1 et MT2. Sur les deux, qui en fait, sont des antagonistes. C'est donc, ça. À proportion égale de récepteurs MT1 et MT2 dans le cerveau, les effets de l'un annulent les effets de l'autre. Là. C'est ça. Donc, donc, ça fonctionnerait bien s'il y avait plus de récepteurs MT2 que d'MT1. Exact. Là, c'est ça. Les capsules de mélatonine sont utiles pour induire le sommeil chez certaines personnes parce que les proportions de récepteurs MT1 et MT2 dans le cerveau varient d'une personne à l'autre. Okay. Donc, chez l'individu qui présente une plus grande quantité de récepteurs MT2, le récepteur qui induit le sommeil réparateur, donc le sommeil qu'on aime, ça. La mélatonine, ben, elle va être efficace, elle va être appréciée là, du consommateur, si on peut dire. Là. C'est ça. Alors, comme je le disais tout à l'heure, la mélatonine agit uniformément sur les deux récepteurs. Oui. Et c'est ce qui explique que la mélatonine est plus ou moins efficace d'une personne à l'autre parce que ça dépend finalement de la proportion des récepteurs MT1 sur MT2 que la personne a finalement. C'est ça, exactement. Puis, en fait, la mélatonine va induire plus facilement un sommeil réparateur. Donc, c'est ça, la mélatonine va induire un sommeil réparateur chez une personne qui présente plus de récepteurs MT2, puis au contraire, chez chez la personne qui a plus de récepteurs MT1, ben, elle va plus avoir tendance à dormir d'un sommeil paradoxal sous l'influence de la mélatonine. Donc, autrement dit, ça fonctionne pas aussi bien chez tout le monde. Ça dépend. Ça dépend. Et ça, on peut pas le savoir. Puis c'est d'ailleurs, il y a plusieurs utilisateurs de mélatonine, là, comme somnifères, qui ont rapporté que leur sommeil était plus agité, moins réparateur quand ils consommaient de la mélatonine, alors que d'autres, chez qui ça fonctionne très bien. Ils se sentent plus reposés le matin. Donc, ça dépend vraiment d'une personne à l'autre. Donc, autrement dit, les personnes pourraient l'essayer pour voir s'ils ont plus de MT1 que de MT2, là, finalement, pour voir En fait, là, j'irais pas jusqu'à. Oui. Si on prend en considération que ces deux récepteurs, là, les facteurs extérieurs, peut-être qu'il y a d'autres facteurs qu'il faut prendre en considération dans l'efficacité de la mélatonine, là, mais oui, on pourrait dire que ça serait une indication, en tout cas. OK. Et en quoi est-ce que la nouvelle molécule, le UCM-765, est-elle différente? Bien, la molécule qui a été développée par Mme Gobi ne se lie qu'au récepteur MT2. Aha. Donc, c'est là que ça devient intéressant. Ah, oui. Mme Gobi a observé que l'injection de UCM, de la molécule UCM-765 à des rats, menait à une augmentation du sommeil non REM, c'est-à-dire du sommeil réparateur, sans affecter le sommeil REM. En d'autres termes, le sommeil réparateur des rats était favorisé par rapport au sommeil paradoxal. Donc, c'était des bonnes nouvelles. En fait, c'était avantageux. Là. Donc, ces résultats sont encourageants pour le développement d'un nouveau somnifère pour les humains. Oui. Par contre, j'imagine que la commercialisation d'un médicament basé sur la molécule UCM-765 n'est pas n'est encore qu'une hypothèse, étant donné que jusqu'à maintenant, les expérimentations ont été faites que chez les animaux. Oui, c'est ça. On est encore au stade expérimental. On est encore loin du médicament miracle là, contre l'insomnie. Jusqu'à présent, il n'y a aucune étude clinique, là, c'est-à-dire une étude sur des humains qui a été effectuée sur la molécule UCM-765. On est encore là, à l'étape de l'analyse des impacts de cette molécule-là sur le cerveau des rongeurs. Là. Donc, on est encore loin de la commercialisation. Et en attendant, comme tu l'as dit plus tôt, des capsules de mélatonine sont disponibles en vente libre à la pharmacie, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Mais il faut se rappeler que, comme on l'a dit plus tôt, ces capsules-là ne sont pas efficaces chez tout le monde pour induire le sommeil. Mais pour ceux chez qui ça l'est, la mélatonine présente beaucoup moins de risques et d'effets secondaires que les benzodiazépines là, et leurs dérivés. Par exemple, il n'y a pas de dépendance qui est associée à la prise de capsules de mélatonine. Mais ça, c'est une hypothèse, mais c'est peut-être dû au fait que cette hormone est produite là, de manière endogène dans le cerveau. Puis la prise de, aussi, là, en plus de ça, il y a la prise de mélatonine exogène, c'est-à-dire en capsule, elle n'affecte pas non plus la sécrétion endogène de mélatonine à court ou à moyen terme. Là. Donc, ça n'a pas d'effet sur notre propre sécrétion naturelle. OK, ce qui est déjà bien ça aussi. C'est ça. Toutefois, là, les capsules de mélatonine peuvent provoquer certains effets, comme provoquer des vertiges le lendemain de la prise, des rêves marquants et même de la dépression. Uh-huh. Même si ce médicament est disponible en vente libre, il faut donc être prudent là, dans sa consommation. Là. D'ailleurs, le stade expérimental là, des études actuelles sur la mélatonine soulève la question à savoir s'il est éthique pour des pharmaciens là, de proposer en vente libre là, un tel médicament. Là. Surtout que la dose recommandée de mélatonine pour ressentir un effet somnolent se situe entre 0,3 et 0,5 mg par dose, là, pour au coucher, là, alors que les capsules offertes en pharmacie contiennent la plupart du temps 3 mg de mélatonine, ce qui représente le plus de 10 fois la dose recommandée. Là, c'est significatif là, quand même. C'est très intéressant, surtout en sachant que l'insomnie touche beaucoup de personnes à un moment ou à un autre de leur vie. Oui, c'est ça. Puis ça, on l'oublie souvent, là, mais l'insomnie, c'est une maladie mentale qui touche 11% des Canadiens et 16% des Américains à un moment ou à un autre de leur vie. Là. Donc, c'est vraiment pas négligeable. Tout à fait. Alors, raison de plus pour faire attention aux produits disponibles pour traiter ce problème. Tout à fait. Merci beaucoup, Camille, pour cette excellente entrevue. Ça me fait plaisir. Nous allons partir au bout de la fin.